Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Les éditions d'Amaj ont le plaisir de vous présenter. Wa min hadha ma yunshar fi al-aflam al-kartouniya. Aïe les dessins animés. Qal hayf innahum yushbihoun Allah. Azza wa jal. Bi shaykhin wa rahib. Muz'ij al-manzar. Dhi lihyatin tawila. Un cours donné par le frère Mounir al-Maghribi hafidhahullah ta'ala au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith al-Salafiyyati bidammaj au Yémen. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux musulmans. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah. Wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. هذا مهم فالحذر الحذر أيها المسلم من هذا الضلال في الأسماء والصفات attention au tahrif لأن التحريف c'est كلام بلا علم si on te demande un délil من الكتاب من السنة cette interprétation t'en as pas فاترك لأن تتكلم في الله pourquoi te parler بلا علم التمثيل كذلك c'est تكذيب للقرآن الله يقول ليس كمثله شيء واحد يبي يدي لا سأغصب له الله هذا س لا تمثيل سجكوف التعطيل كذلك شغوشة الحق لا personne qui fait du تعطيل الله il est il cite clairement dans le Coran il a deux mains il a un visage في السنة il descend tous ces attributs واحد يبي يدي لا هذا سجوع عناد et ça fait du mal à la personne كذلك الحذر أن ces choses elles sont منتشرة الآن لا تظن Anta, tu vis au milieu des salafis, walillahi alham, tu vis au milieu des personnes qui ont une aqida d'ahl sunnah. La tadon, Anna, ces idées, elles ne sont pas propagées. La tadon, tu peux arriver dans une khutbah, dans un masjid, il y a une khutbah de Jumu'ah, il appelle au ta'til, wadih. Il fait une khutbah, il appelle au ta'til. Ta'til, Anna, il y a des gens, il faut ressembler à Allah et la créature, et il cite ahl sunnah. Aïe, alladhina yutbituna cela. Al-hadar, Anta, tu dois connaître ces choses. Hatta si ce chouba elle vient, t'as de quoi la refuser. Kadhalik, si une personne elle te demande et elle a des doutes, tu sais lui expliquer. Ces choses, ça doit être maîtrisé, Yajama. Hatta tamthil. Tamthil, on dit souvent, il n'y a plus de groupe qu'appelle Ahada. Il n'y a pas un groupe clair, qui est propagé, qui appelle à faire ressembler Allah à la créature. Hada, c'est qalil, il y a ce fikr. Il y a des idées là, qu'il y a un groupe qui appelle à ça. Il n'y a pas comme Al-Mu'attila ou Al-Muharrifa, Al-Asha'ira, comme à Talamoun, ils se sont répandus partout. Et ils appellent à cette da'wa. Lakin, hatta al-tamthil, il le propage al-kuffar jiddan. Je vais vous lire un kalam et on l'a déjà lu. De Cheikh Al-Uzaymin, rahimahullah. من هذا الكتاب النافع شرح العقيدة السفارينية c'est un كتاب طيب كتاب العقيدة الشيخ العثيمين il a expliqué cette poésie et au début du livre il cite il met en garde contre le tabthid contre le ta'til contre le comme dans l'Ouassatiyya ثم il explique ان هذا التمثيل il est propagé الان par les kuffars خاصة il le propage. Wal musiba annahum il le propage khassatan dans les dessins animés. Il le propage. Wal musiba c'est que ayyuha al muslim si tu fais pas attention et tu laisses ton fils devant hada shar, la shak anna sa aqida, sa fitra, elle va changer. La shak li hada. Li anna ils vont lui donner une image de Allah subhanahu wa ta'ala. Une image qabiha jiddan. Et ils mettent, ou ils dessinent matalan des personnages et ils leur donnent des pouvoirs de kada, de kada. L'enfant, le jour où tu lui montres la aqida, il va penser à ce personnage. Et là pour lui, il a été élevé avec ça. Et vous allez voir, sur le Taïmin, il a vu le danger et il a fait une nasiha tayyiba. Il a expliqué le tamthil, قال رحمه الله قال ومن هذا أي من la gravité de ce tamthil il a expliqué قبل ثم قال ومن هذا ما ينشر في الأفلام الكرتونية أي les dessins animés قال قال حيث إنهم يشبهون الله عز وجل بشيخ رهيب مزعج المنظر ذي لحية طويلة. صحيح. Les dessins animés, ils représentent Allah Azza wa Jal. Hatta il y a des dessins animés, ils ont été clairs. Ils l'appellent le Tout-Puissant, le Kada. Le Tout-Puissant, c'est l'Aziz, c'est Allah Azza wa Jal. Et ils lui donnent une surah, qabiha jiddan. Roubama, c'est un vieux, avec une longue barbe. Il n'arrive même plus à marcher. Il n'arrive plus à manger, il est triste. Il est. Sallallahu alayhi wa sallam. Lakin, dans le cœur de cet enfant, ça s'imprègne. Pour lui, c'est ça. Un tel jour où tu vas lui expliquer Kalam, Cheikh al-Islam, Anna al-Kayfiyya, tu peux pas la faire, Lianna t'a jamais vu. Robama, il va dire si, Anna, j'ai vu dans ce dessin animé, j'ai vu, il est kada. Mada satafali. Ah, c'est dans son cœur. Le taper, ça ne servira à rien. Khasatan, l'erreur, elle vient de toi, ayyuha al-ab. Lianna al-Musiba, Anna, ce genre de dessins animés, c'est le père qui achète. C'est ça le Musiba. Amma, le fils, le petit, meskin, mayadri. Tu lui mets du Coran, il va écouter du Coran. T'achètes pas de télé, il sait même pas c'est quoi, aslan. Tu l'écartes du char. Amma, le Musiba, il lui emmène la télé. Il lui emmène la télé. Et il lui met, et Robama, il lui achète le DVD, hada. Tout mal à la fin, il se plaigne. Wallahi, ba'dhum, on les a vus, hatta, dans le parking du masjid. Allah, on en a vu un, kada. Il vient au masjid, au lieu de faire rentrer son enfant sur le masjid avec lui. Hatta, il s'habitue à l'ambiance avec les frères, ça parle de din. Wallah, wahad marra, il le laisse dans la voiture et il lui met le DVD dans la voiture. Et il le scotche à le siège hada et il lui met le DVD. Ma yadri, qu'est-ce qu'il y a dans le. Et lui, il va faire salah. Sauf à la ghafla. À la ghafla. Mais ma'adha, les annal an, on est dans une génération. Comme à l'amour, c'est plus comme la génération d'avant, génération de sobre. Ils patientent à la loi. Al-An, ils veulent plus faire de mal, certains parents. Un problème, ils le placent à l'école. Ils créent lui-même un DVD. C'est pas de tarbiya, ça. Ça, c'est une tarbiya de faible. Fahir. Tu dois patienter, ma'ad al-Walad. Tu dois patienter. Amma, il fait quelque chose et tu lui mets une ma'asiya pour te débarrasser de lui. Yom al-Qiyama, t'auras des contrats à rendre. Le prophète sallam, il a informé Anna, celui à qui Allah il donne une responsabilité, une mas'ouliya, thumma, il ne remplit pas cette responsabilité comme il faut, il ne sentira pas l'odeur de l'jannah. Comme a dit Aïssa sallam, ra'ihat al-jannah, il ne la sentira pas. Ya akhi, tu as une responsabilité. Tu as une responsabilité. Hada al-walad l'an, en lui emmenant ce char, tu lui fais du zolm. Wallahi, tu lui emmènerais madri, un poison ou mettre l'adil au mort, tu lui ferais peut-être moins de mal. Tu lui ferais du mal à son corps, faqad. Amma l'an, tu lui détruis sa aqida. Et c'est toi le mas'oul, عند الله. قال, j'ai oublié de l'aimine. قال, فوق السحاب, يسخر الرياح. ويعمل ما يريد فصفة من فصفة الله عز وجل الرحمن على العرش استوى قال عز وجل فعال لما يريد صفة il les met dans des dessins animés avec ce personnage. Vous avez remarqué quand c'est un personnage comme ça, souvent il est au-dessus des nuages. Hey, l'enfant il est nuage ou Anna, cette chose qui est au-dessus de sa main, dès que tu vas lui parler d'Allah Ar-Rahman Arsh Istawa, il va avoir cette image de qabiha. Kadalik, il fait ce qu'il veut. Il fait descendre la pluie, le vent et la akhira. Ah, tout ça c'est maqsoud. Crois pas qu'ils font ça pour divertissement, c'est du kadib. Wallah, ils font ça pour égarer al-muslimin. Et en même temps, ça leur rapporte de l'argent. Fal khubatha, ils sont gagnants. Ah, ils pensent qu'ils sont gagnants, ils sont perdants yawm al-qiyam. Lakin hum, ils égarent et ils ont de l'argent, c'est ce qu'ils veulent. Et taïa al-muslim, tu perds ton deal. Cheikh Ibn Taymiyyah, il témoigne. Il dit, Ashhadullah, Azza wa Jal, que ça, c'est de la propagation du kufr clair. Ah, la chèque. ونحن نؤمن كذلك ان هذا البروباغاسيون دو كفر كره لان التمثيل سي دو كفر قال لان الصبي سي لانفون اذا شاهد مثل هذا وفي اول تمييزه سوف ينطبع في نفسه الى ان يموت قال الا ما شاء الله نعم شيخنا تيميني سي que l'enfant à cet âge خاصه 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans c'est une période où l'enfant خلاص il absorbe tout ce qui est autour de lui. à ce stade-là, si la personne ne fait pas attention et il laisse son enfant regarder ces choses, ça va s'imprégner dans son cœur. Khalas. La fitra qu'il avait, le prophète sallam, il a informé que le mauloud yulad ala al-fitra. Fa'abawa yuhawidani ou yunassirani ou yumajisani. C'est ça. Al-an, ouais, il est à la fitra de l'islam, c'est un enfant. Lakin, l'an, son père, il ne fait pas attention. Et c'est une cause qui va changer sa fitra. Ça vient des parents, comme avait le hadith. Fa'abawa. Un enfant de 6 ans, il ne peut pas l'acheter une télé tout seul, abadan. Abadan. Un enfant de 6 ans, il ne peut pas l'acheter un DVD tout seul. Abadan. Il suit son père. Les hadas, tu trouves des enfants de 6 ans, ils ne sont pas atteints par cette maladie. Il a son père, il a une aqida, sahiha, et il fait attention. Alhamdulillah, l'enfant, il est préservé de ce côté. Voilà où il est éprouvé d'un autre. Qala, thumma shi'un adamin qatta ala rasulullah sallam, fa abawa yuhawidani, ou yunassirani, ou yumajisani. On l'a cité, ce hadith. شيخ ابن عثيمين ولهذا أقول إن الذين يعرضون هذه الأشياء للصبيان المسلمين سوف يحاسبون عند الله حسابا عسيرا يوم القيامة. صحيح شيخ ابن عثيمين dit ceux qui propagent ça au milieu des enfants des musulmans, ils vont avoir un châtiment من الله لأنه يكبت العقيدة. C'est du kufr qui propage et ils veulent égarer cette génération de musulmans. قالوا علينا جميعا إذا كانت الأفلام على هذا الوجه أن نحذر منها أهل البيوت. فيا طالب العلم تأنغول أنت تأنغول ربما نفاميين سنتو شبق هذا. فالنصيحة النصيحة فبقى أستاذ si moi je me tais, toi tu tais, vous l'anistez. خلاص خلاص ربما ta famille elle t'appelle, il te passe ton neveu ou ta nièce, ربما il est devant ce genre de dessin animé. وأنت tu parles pas. هذا c'est pas صحيح. C'est pas sahir. Obama, tu demandes qu'est-ce qui fait ton neveu ou ta nièce, ta soeur ou là, ton frère ou là, ton père, dit il est devant, il regarde Kada. Et akhi, takallam. Takallam. Taqullah, tu leur montres, vous êtes en train de fesser cet enfant, cette personne que vous aimez tant, vous êtes en train de le fesser et vous lui faites du mal, dites. La personne, il parle, il arrive avec sagesse et il montre. Et yani, Asallah subhanahu wa ta'ala, il les guide. Et s'il ne les guide pas, nous, on ne peut rien, on montre. وعلينا جميعا إذا كانت الأفلام على هذا الوجه أن نحذر منها أهل البيوت حتى لا يقعوا في هذا الشر المستطير الذي هو أعظم من شر الأغاني وغيرها. والله تدخل بعض الناس العوام مساكين à cause de leur ignorance ils mélangent beaucoup de choses. Tu prends maintenant un ami et vous l'avez déjà vu, si son fils il approche du four maintenant, خلاص ربما il crie, انت tu te dis qu'est-ce qui s'est passé, ça crie, il n'approche pas, il le tape, il le... maintenant il s'est approché d'une chose qui va lui faire du mal à son jisme. Ça y est, il faut faire attention, un enfant qui approche du four il peut se brûler, il peut se... enfin tu le trouves via le hal, il fait attention vite. Les anna c'est l'apparence, il veut pas que son fils se brûle et il a raison, c'est tout à fait normal. Tu le trouves, cet enfant il est devant ce dessin animé où il y a du tamthil mahab, du kouf. Cet enfant est en train de brûler son cœur, l'enfant il bouge pas. Ou le père il bouge pas. Ils sont à la jahm. Ou tu trouves, matalan, des parents, ils ont peur que leur enfant il tombe dans la drogue, dans la délinquance. Et c'est normal. Tu veux pas que ton enfant il tombe dans ça, il va s'égarer, il va se faire du mal. Tu le trouves pour pas qu'il fasse cette délinquance, ou il traîne pas droit, matalan, il l'enferme chez lui et il lui met des DVD nuit et jour. Il sait pas, wallah, Anna s'il sort, wallah, il s'égarera moins qu'avec ses DVD. Lakin, al-haqa'iq inqalabat. C'est quoi tout ça? Dha'v al-ilm. Ils ont pas d'ilm, masakin. Ils sont manipulés. Ça nous montre aussi, nahnou, anna ha'oula, masakin, ils sont manipulés. Nahnou, il faut du rifq avec eux. Il faut de la douceur, il faut qu'on leur montre. Eux, masakin, ils sont manipulés. Le kuffar d'un côté, le munafiqun d'un côté, ahl al-dhalal dans les mosquées, les manipulent. Fa, anta, ayyuha as-sunni, ayyuha as-salami, tu dois être un nour pour ha'oula. Ah bah, on dit Fulani, son enfant il regarde la télé, khalas, c'est un ta'ban et tu le laisses. C'est pas la solution. Wallah, tu peux être éprouvé demain. Fi baytik, la tash'ur. Et wallah, tu trouves des masa'ib. Fi baytik, des masa'ib. Là, nahnu, on aide. C'est des awan, c'est des masakin, c'est des juhal. C'est un salafi, yunsah kadhalik. Lakin salafi, tu pourras le conseiller d'une manière différente. Il sait des choses. s'il est à la ilm. Ah, ça dépend. On t'adapte ta nasiha. Qala huwa a'zam min shar al-aghani wa ghayriha. N'am. Lianna al-aghani, la musique. Ou l'enfant il fume, ou ça c'est des ma'as, il y a juz. Lakin, ça reste un musulman. Wallah, avec ce dessin animé, si l'enfant est grandi et il a ce aqidah, il sort de l'islam. Si l'aqidah est tamthil, et il pense qu'Allah il est comme ça, on le conseille, on lui montre, et il s'entête, il sort de l'islam. C'est un kafir, billah azza wa jalla. La personne, il doit commencer par le plus important. لأن كون الإنسان يمثل الله عز وجل بهذه الصورة الشنيعة لا شك أنه من أعظم المنكر والعياذ بالله سجكف الشيخ العثيمين يسي لا يفرنسا ندخل على ميوزيك سان غران بيشي الكفر قال وأقول انظر إلى أعداء الله كيف يريدون أن يهينوا رب العزة والجلال بهذه الأشياء كذلك تستفيد من هذا أن نتأمل الكفار comme ils essayent d'humilier la religion d'Allah et comme ils s'attaquent à Allah subhanahu wa ta'ala. Ha'oula al-kuffar qui viennent d'Asie, qui viennent d'Europe, qui viennent des États-Unis, c'est un kafir, il sait très bien lui son but, il sait très bien là, ce qu'il fait, ça dérange, c'est pour ça qu'il le fait. Ah, ma personne fera attention, et Obama il n'aurait jamais fait ça, lakin wa yassi, il fait ça bien aqida, c'est un mulhid, c'est un mujrib. On donne le niveau qu'ils ont. Ma'ahala kulle, tu trouves, les azaf, بعض المسلمين, ils veulent ressembler à Ha'oula, Al-Anjas. Et Akhi, ta'ammal, Ha'oula. Ton Rab, qui t'a créé, que t'aimes, et tu veux qu'il soit satisfait de toi, yat'anou nabi, laylaha. Hatta le dessin animé, il se moque. Et si on parle de Rasoul, nafsi shay. Normalement, Adam, ça doit mettre la rire à ce musulman. Tu mets à ton enfant ce DVD, c'est un mushrik, un mujrim qui l'a fait, il se moque d'Allah ou de son prophète, et les mains, tu délaisses le Coran et le Sunnah. Pourquoi tu n'apprends pas à ton fils la biographie du prophète? Pourquoi tu n'apprends pas à ton fils la biographie de Abu Bakr, de Umar? Pourquoi tu n'apprends pas à ton fils le Sunnah? Même ton fils et les enfants, ils aiment ça. Wallah, il y a des enfants, leurs parents ils les ont habitués, ils ne connaissent pas la télé, ils ne connaissent pas le shar. Ils les ont habitués avec la biographie, ils leur apprennent à faire salat, les mesjid, les cours. Oh là, tu trouves l'enfant, il est à la khair, il aime ça. Il a l'enfant, il a une fitra, il aime apprendre. Voilà, lakin, tout ça, c'est la faute des parents. Oh là, les enfants dans ça, ils sont madloum. Ma yadroun, masaki. Oh, le mas'ouliya, les kabira. Qala, bi hadhihi al-ajya allati tasri ala al-nas siryan al-nar fi al-fahm min ghayri an yush'ar biha. Naam. Il te montre que ces choses, ça se propage comme le feu, wal'iyadu billah. Le feu dans un champ, il est sec. Si tu allumes un feu, ça se propage jiddan et ça fait du mal. Et les gens ma yash'urun. Wallah, les gens dirait ils sont pas, ils comprennent pas hadhihi al-umur. Pour lui c'est adi, c'est la chose la plus normale, ce genre de dessin animé, il voit pas le mal. Lakin rubbama si on leur montre effort après effort, toi tu conseilles ta famille, moi ma famille, Fulani fait une muhadara, Fulani fait une khutba, Fulani il traduit, Fulani. Rubbama, Inch'Allah, ceux qui veulent le khayr, rubbama ça leur sera utile. Amma, ce qui fait du mal, hein, c'est que les kuffars, ils ont un ijtihad adib. Kuffars, ils dorment pas bien de l'honneur. T'as remarqué, tous les semaines, tous les jours, Rubbama, il y a un nouveau dessin animé avec ce kuff. Et tu trouves de l'autre côté, le jihad, il est très faible. Cheikh Mouhamed il a parlé. Rubbama, ce livre, c'est pour vous donner une image, Rubbama, c'est les années 1980, 1990, ça fait 30 ans. Rubbama, c'était le début de des années. Peut-être, un tome, on est des salafis, ça fait des années, peut-être que tu n'as jamais entendu ce qu'elle aime, ça fait peut-être 10 ans. Ah, le shur, il est énorme, et le combat de l'autre côté, il est très faible. Là, chaque shur, il prend vite le dessus. C'est pour ça que je suis venu à Taïmid et on va conclure avec Allah, il va conseiller talabat al-ilm. Qala wa ala kulli hal. Fa ana awud min talabat al-ilm. Ta'ammal. Il conseille sur le thème de talabat al-ilm, il sait que c'est des personnes, ils savent, ils ont étudié. Ils ont la capacité, ça dépend du talib bien sûr, mais celui qui a la capacité, là, il peut parler, il peut montrer avec les preuves. Parce que sur le thème, il conseille talabat al-ilm. Kadhalik, sur le thème, il n'a pas conseillé que les savants. Talabat al-ilm, les savants, kadhalik. Lakin, les savants, il n'y en a pas partout. Et les savants, ils ne peuvent pas tout faire. Les savants et talabat al-ilm. Al-ammi, c'est un musulman ammi, il a compris ce que Allah, il l'a maîtrisé, il montre aux gens. Qala talabat al-ilm. أن يؤدوا ما عليهم من مسؤولية. شوف لو تميني تكون سي أخي أيها الطالب تدوى غمرسي أولا ست نعمة طلب العلم تدوى غمبليغ ست مسؤولية خبك تتوصل في هذه الدنيا وعن طلبة العلم ودغة لا سكي أوتور سا كونسرن با يبوصى لوي سون أنفون فقط يا أخي سبا سا أن طالب تا أن مسؤولية. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a montré, on doit faire da'wah tant qu'on peut. Là, on n'est pas seul. Là, les musulmans, ils attendent. On va les laisser à qui ces musulmans? Va'adallah azza wa jal. Tu vas les laisser aux kuffars, ils les manipulent. Tu vas les laisser aux munafiqoun. Ils se moquent de l'ail nahar. Qala an yu'addu ma'alayhi min mas'ouliya bi an yahdharu al-nas min hadhi al-aflam. Na'am, tahdhir. On doit mettre en garde, nous. On doit mettre en garde, ça se propage. Ça, c'est à l'époque de Cheikh Ibn Uthaymeen, les dessins animés. Nous, on est un peu en retard, en réalité. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Avec Internet, avec les réseaux qu'ils ont mis, c'est du chum. Qu'est-ce qui propage? Tu laisses ton enfant vivre. Peut-être il dessine une chose et il fait croire à cet enfant, c'est Allah. Peut-être. Avec sous la forme d'un dessin animé. Ça, c'est à l'époque. Mais maintenant, sallallahu alayhi wa sallam. خاصةً avec ce char d'internet خاصةً. قال من هذه الأفلام ما دامت تعرض مثل هذه الأمور التي لا يشك مؤمن بالله عز وجل أن عرضها قيادة للأطفال إلى الكفر بالله عز وجل. شو متأمين إذا مؤمن كان بن عقيدة يكون السنتين إلى aucun doute أن ce genre de dessins animés ça va conduire nos enfants إلى الكفر. N'ai aucun doute sur ça. إلا Inch'Allah. Il leur fait miséricorde et annaoum, c'est des djouhal. Amma khalas, c'est la route d'Al-Kuf. La route du Kuf. Il va grandir comme ça. Un jour, tu vas lui expliquer Aqidat al-Salaf. Ça ne sera pas adapté avec la nouvelle fitra qu'il a. Là. Abadou. Tu vas lui dire, il ne ressemble pas. Voilà, il a cette image. Wal-Iyadu Billah. Enfin, ça peut aller très loin. C'est qui le savant? C'est l'Ab. Sans compter les kuffars qui propagent ça. Celui qui a emmené sa fille, c'est l'Ab. Kafir, il ne peut pas ouvrir chez toi et te mettre des animés de force. Ouais, il le met sur le marché. Ton maïd t'éprouve avec des publicités, avec ça. Si tu as taqi Allah Azza wa Jal et tu t'écartes de ça, mais ils ne feront aucun mal à ta famille, à tes enfants. C'est ça qu'on a voulu vous montrer. Et on l'avait lu, Al-Ikhwan. On l'avait lu, fille. الشرح الأصول الثلاث فيما أذكر on l'a relu هنا للمناسبة il y a des frères qui se déparlent ça vous montre أن tout ce que vous voyez le combat entre les musulmans et les kuffars que ce soit dans tous les domaines économiquement dans la politique حتى dans ce qu'ils appellent les divertissements كذا, tout ça c'est le as c'est l'aqid ils veulent la combattre et tu trouves wallah alhamd des musulmans des ulama comme Cheikh Ibn Uthaymeen ils combattent haoula mais le char il est beaucoup plus grand que cette riposte des musulmans et ce combat des musulmans ce jihad il est bil ilm faut pas comprendre واحد il va il fait exploser un magasin il y a des DVD là c'est ça c'est min al jahl tu vas faire exploser un magasin demain ils vont en faire deux de magasins ça sera rien hada jihad c'est bil ilm jihad avec haoula ces munafiqoun ces kuffar c'est bil ilm. On éduque nos enfants, chacun il met en garde, et tu verras, ils ne feront qu'un mal, même ils font se désanimer, laisse-les, les regardent entre eux. Mais nous, alhamdoulilah, on est protégés. Lakin, Allah al-Musta'an. Naqra, ma ba'da. Qala, Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, bal yu'minuna, li anna Allah subhanah, laysa kamithlihi shay'un, wa huwa as-sami'u al-basir. فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه تسا تقدم تسكي relation avec تحريف والتمثيل تسا قال الشيخ الفوزان لما ذكر المصنف رحمه الله أن الواجب هو الإيمان بصفات الله الثابتة في الكتاب والسنة من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل بين موقف أهل السنة والجماعة من ذلك وهو أنهم يؤمنون بتلك الصفات على هذا المنهج المستقيم. نعم الآن صاصين طريقة طيبة أن شيخ الإسلام يتمضخ الحق عقيدة السلف أي إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه ورسوله صلى الله عليه وسلم. Ça c'est le haq. En même temps, il te met en garde contre le char. ثلاث شذ: التحريف والتعطيل والتمثيل والتكييف. فسامو موطخ أن عقيدة المصلحين على فوندي سوغ سا تابلو بيان اي تو مي رغارد كونتر الشر. فنحن مثلا لو سوجي كون لو دو شيخ العثيمين او مي رغارد كونتر سي ديس انيمي سي دون حراف سي دو كوف اي ان ميم تون نابلو خير. لان انت دون تا دعوة تو دو سافوار ان ديك تو مي رغارد كونتر اون شوز تو دو امني البديل. لان لا بروميير ريبونس كو توغا دي عوام Tu lui dis, arrête, achète pas ça, arrête de faire regarder tes enfants ça. Il va dire, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Tu dois lui emmener le badi. Ya akhi, place ton fils dans des cours de Coran. Ya akhi, apprends ton fils à lire l'arabe, à écrire l'arabe. Apprends à ton fils le Coran. Tu verras que si tu fais un programme à ton fils, ya Allah, t'arrives à le tenir la journée. T'arriveras pas. Si on enlève le chat, on le remplace par du khay. Amma, si tu ne le remplaces pas par du khay, tu vas enlever le DVD, il va aller vers Internet. Tu vas enlever Internet, il va aller vers un autre chat. Là, tu enlèves le chat et tu le remplaces. C'est comme l'être humain, tu as une maladie. Hagada, ils attaquent la maladie et ils remplacent. Tu prends des choses pour que. Amma, Hagada, tu le laisses là. Hagada, c'est Mohim.